C'est-à-dire que moi, mon métier de tous les jours, c'est de pouvoir faire connaître Télécoop au plus grand nombre. Donc, à la fois sur des canaux classiques, hein, digitaux, les réseaux sociaux, mais aussi de pouvoir prendre la parole dans des cercles qui sont plus grand public. Donc, aussi bien quand on est interrogé par de la presse ou des journalistes, ou de manière générale, quand on va décider de prendre la parole et de pousser un certain nombre de nos thèmes qui nous sont chers. Donc, moi, mon métier au quotidien, c'est de parler de Télécoop, c'est de monter des partenariats avec d'autres structures qui souhaitent faire parler du modèle qu'on défend. Et en fait, tout l'enjeu de ça, c'est d'être en capacité de pouvoir bien créer du lien, rencontrer les bonnes personnes et pour pouvoir échanger avec elles et pouvoir monter des projets pour qui vont finalement aussi montrer notre différence sur ce secteur des télécoms et surtout prouver que le modèle coopératif est un modèle différent. Donc voilà. Ouais, j'entends deux choses hein, dans ce que tu dis, Marion. La première, c'est que toi, tu es quand même ambassadrice du modèle coopératif et de toutes ses vertus. Tu fais un gros travail de pédagogie sur ce modèle coopératif et toutes les différences hein, qu'il y a par rapport aux entreprises classiques, en particulier dans le secteur des télécoms, qui est un secteur où il y a des monolithes, hein, presque, j'allais dire, avec une captation des richesses, des données dont on pourra éventuellement reparler si tu le souhaites. Et à la fois, j'entends quand même que tu es aussi ambassadrice de cet opérateur télécom qui est singulièrement différent, novateur dans sa démarche et qui propose une manière de consommer de la donnée complètement différente. Oui, tout à fait. Au cœur du discours de Télécoop, il y a ce qu'on appelle la sobriété numérique. Donc, c'est vraiment la capacité de chacun d'entre nous de repenser en fait nos usages, de nous les réapproprier en partant du principe que le numérique, c'est une ressource qui est limitée parce que le numérique a des impacts environnementaux et sociétaux qui sont forts. Et à l'inverse, on n'en bénéficie pas tous de la même manière, hein, puisque, par exemple, un Français sur cinq est victime de fracture numérique, c'est-à-dire qu'il ne peut pas accéder à la ressource numérique au même niveau que les autres. Donc, nous, notre métier, c'est de dire que le numérique, il doit être équitablement partagé entre tous et il doit aussi pouvoir être organisé dans le temps pour qu'on puisse toujours se servir du numérique dans les prochaines décennies. Et effectivement, nous, c'est notre positionnement qui est assez atypique, hein. C'est de montrer que ce numérique qui est de plus en plus présent dans nos vies, qui est en train aussi de finalement s'immiscer dans notre vie aussi bien professionnelle que personnelle, eh bien en fait, on peut décider de lui donner une place. On peut aussi en faire un projet sociétal, hein, c'est-à-dire se dire dans le cadre de la société qui me fait rêver, qui me fait envie, quelle place je donne au numérique, hein, et comment je réinterroge ce positionnement. Et tu l'as dit, pour ça, on fait plusieurs choses, c'est-à-dire que d'abord, on a sorti un abonnement mobile qui a la particularité de facturer ses abonnés au réel de leur consommation de données mobiles. Ça, c'est vraiment pour s'opposer au fait que la donnée mobile, quelque part, elle est illimitée, elle est impalpable, elle n'a pas d'impact. Nous, on dit non, en fait, oui, elle a des impacts. Et c'est important de pouvoir les comprendre et de se réapproprier cette consommation de notre quotidien. Ensuite, on travaille sur la lutte contre l'obsolescence programmée. Nous, on a fait le choix de ne pas dépendre dans notre modèle économique de la vente de téléphones portables, alors que c'est le cas pour la plupart des opérateurs télécoms, pour se donner en fait la liberté d'innover, pour permettre à chacun d'aider finalement chacun à garder son téléphone le plus longtemps possible. Parce que ça, c'est le cœur de l'impact environnemental du numérique, hein, c'est la fabrication de nos appareils. Et donc ça, c'est important de pouvoir lutter contre ce renouvellement excessif. Et ensuite, on a une autre posture aussi qui est vraiment la sensibilisation à la sobriété numérique. Donc on organise de nombreux webinaires sur ces sujets, des conférences, des interventions dans des écoles pour sensibiliser le plus grand nombre à ces enjeux. Et on le fait aussi via la mise en place de partenariats avec d'autres acteurs du numérique responsable pour vraiment mettre en avant des alternatives qui soient plus soutenables, qui soient résilientes aussi pour nos usages numériques et qui soient aussi plus protecteurs de notre vie privée, puisque tout ça va ensemble. Bon, c'est magnifique. Tu as déjà répondu à toutes les questions que j'avais sur quelle offre vous proposez, etc. etc. C'est parfait. Tu as anticipé tout un tas de choses que je voulais te poser dans un second temps, parce que dans un premier temps, quand même, maintenant que tu m'as parlé un petit peu quand même de ton travail et de la pulsion qu'il y a eu derrière Télécoop de vouloir justement proposer un modèle alternatif par rapport aux géants du numérique, avec tout ce que ça incombe de pédagogie au niveau de la sobriété, d'accompagnement au niveau de la lutte contre l'obsolescence programmée, contre la consommation de données illimitées. Je voulais quand même avoir ce petit aperçu des conversations et des réactions que tu as eues quand, avec, si je dis pas de bêtises, les trois autres cofondateurs, vous vous êtes dit, bah oui, forcément, on va lancer un opérateur télécom et aller faire de la concurrence à Bouygues, à Orange, à Free. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez été accueillis? Quelles ont été les réactions de votre entourage? Peut-être des personnes qui se sont lancées dans l'aventure avec vous? Alors, oui, c'est en fait, en plus, c'est amusant parce que pour la petite histoire, on a fondé Télécoop en avril 2020 et c'était au beau milieu du premier confinement. Et, et en fait, alors c'est une histoire qui est en gestation depuis un petit moment. Hein. C'est-à-dire que le mouvement coopératif avec les SIC, ben il y a plusieurs entreprises qui sont déjà hyper intéressantes autour de ce mouvement, que ce soit la Nef, Enercoop, je cite que celle-ci, mais on fait partie de ce mouvement-là. Et pour nous, ce qui s'est passé, c'est que en fait, c'est souvent, comme dans toutes les histoires d'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui nous révolte, qui nous a révoltés en fait tous les quatre en disant, le numérique aujourd'hui devrait servir à autre chose que regarder des vidéos de chats sur Internet. Enfin, je caricature, mais Internet, ça a une capacité de liberté, en fait, c'est une notion de liberté très forte, c'est aussi quelque chose de capacitant, c'est-à-dire que finalement, tous les citoyens autour de la planète sont capables, quelle que soit leur couleur de peau, leur sexe, d'accéder finalement à une montagne finalement de connaissances. Et nous, on trouve que ça, c'est juste fantastique, mais ce que nous, on a constaté, c'est que, il y avait un certain nombre d'acteurs qui s'accaparaient, en fait, cette notion d'Internet et qu'il était important de pouvoir remettre le citoyen au cœur de tout ça. Donc, je dirais qu'au début, tout ce qui était, le lancement de tout ça, ça a été un point de révolte quelque part. Et ensuite, quand on s'est lancé, le modèle coopératif, pour parler de mes proches, c'était pas du tout quelque chose qu'ils connaissaient, hein, très clairement. On comprenait pas bien pourquoi j'allais me lancer dans cette aventure, notamment que moi je viens du secteur entre guillemets marchand, hein. Enfin avant j'ai bossé dans l'agroalimentaire, je gagnais très très bien ma vie, enfin voilà, je me posais pas toutes ces questions, sauf qu'à un moment donné il y a un moment de déclic et on se rend compte que je me suis rendu compte que c'était quand même beaucoup plus utile de mettre ma force de travail au service de quelque chose pour l'intérêt collectif, hein, plutôt que quelque chose pour enrichir une entreprise en particulier, enfin tout d'un coup tout ça me semblait complètement à côté de la plaque quoi, par rapport aux enjeux de la transition écologique et sociale. Mes proches, ils n'ont pas bien compris. Non, mais d'accord, mais toujours est-il que la question, c'est vous allez lancer une boîte qui va concurrencer Free et Xavier Niel et les milliards qu'on imagine et Orange qui est ce successeur, cette évolution de cette entreprise d'État que tout le monde connaît. Enfin, c'est même plus David contre Goliath. Ça aurait pu quand même être assimilé à de la folie pure, on est d'accord? Oui, je pense que c'est pour ça que je parlais du système coopératif. Je pense qu'en plus, sous un format coopératif, ça n'avait jamais été fait avant. Donc, il y avait tout cet questionnement autour de concrètement qu'est-ce que vous allez faire quoi, quel va être votre impact, est-ce que vous allez vraiment y arriver. Oui, on a eu droit à tout ça globalement, mais je pense qu'en fait on était animé par quelque chose qui était plus grand que nous, en fait, de dire que on travaille sur quelque chose qui va servir l'intérêt collectif, qui va défendre cette notion-là sur un secteur qui est hyper marchand. Et je pense que ça dépassait tous ces questionnements. Et on a été hyper bien reçus par la communauté, entre guillemets, des coopératives. Ils attendaient, a priori, quand même, l'arrivée d'un opérateur télécom sur ces sujets. Donc, on a été épaulés. Et je pense que ça a quand même vite aussi contribué au fait qu'on n'avait pas du tout la sensation d'être des doux rêveurs qui se lançaient sur un projet qui était complètement fou, quoi. Donc, Tu l'as dit, vous avez été bien accueillis par les autres coopératives. Vous avez très vite rejoint le mouvement des licornes qui a été lancé il y a quelques mois maintenant et qui, tu en as mentionné quelques-unes, regroupe des coopératives comme Enercoop, Mobicoop, etc. Et puis, vous comptez aujourd'hui quand même sur plus de 3000 abonnés et 500 sociétaires. Quel accueil vous avez eu ? Enfin, en tout cas, quelles sont les raisons les plus fréquemment avancées pour vous rejoindre plutôt que des géants qu'on a déjà cités? Une des premières raisons, c'est le service client. Nous, on a un service client qui est basé en France, donc qui crée de l'emploi local et dont la mission, c'est vraiment d'accompagner en fait, les personnes dans leurs usages numériques. Donc, on prend ce temps-là. Et donc, la première raison, j'ai vraiment l'impression que c'est cette proximité-là qu'on essaye de recréer en disant que, derrière un numéro de téléphone, il y a une personne qui est dédiée à ça et qui aime faire ce métier de service client. Et ça, je crois que ça fait une grande différence. Et on nous a souvent dit que le service client était très sympathique et nous, ça nous fait vraiment très plaisir parce qu'on essaye de mettre vraiment de l'humain là-dedans. Et la deuxième raison, c'est aussi parce que les gens qui nous rejoignent, ils ont envie de prouver qu'un autre modèle est possible, donc le modèle coopératif, que les enjeux de sobriété numérique, on est de plus en plus nombreux à penser que c'est important. Et donc, on nous rejoint aussi parce qu'il y a quelque part aussi cet acte militant qu'on réalise en devenant client de Télécoop pour montrer qu'on a envie d'un autre modèle. Et je pense que c'est un peu ces deux raisons-là combinées qui font qu'aujourd'hui, on est rejoint par de plus en plus de personnes. J'ai bien compris pourquoi vous parliez d'une activité avec un impact écologique. Encore une fois, de la consommation de la donnée raisonnée, de la sobriété technologique avec le fait d'accompagner les utilisateurs à garder leur téléphone le plus longtemps possible. J'ai un petit peu plus de mal à cerner le côté solidaire que vous mettez aussi en avant. Est-ce que c'est justement parce que vous aidez à créer des emplois en France ? Est-ce qu'il y a une dimension qui m'a échappé ? Alors oui, c'est exactement ce que tu dis, c'est la création d'emplois en France. C'est aussi vraiment les notions d'accompagnement, enfin le fait qu'on prenne le temps d'accompagner chacun dans ses usages numériques. Et ensuite, c'est tout un volet qu'on va être amené à développer, puisque l'enjeu, j'en ai parlé un petit peu en introduction, c'est qu'il y a un Français sur cinq qui est victime de fractures numériques. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, chacun n'est pas égal par rapport à l'utilisation qu'il peut faire du numérique. Et donc, dans les mois qui viennent, on va développer en fait une offre solidaire où l'enjeu, c'est à la fois de pouvoir accompagner ces personnes, mais aussi de leur permettre financièrement d'accéder au numérique. Donc ça, c'est des choses qui vont venir aussi renforcer cet aspect solidarité qui nous est cher et qui, en même temps, on n'a pas pu faire tout en même temps. Donc du coup, naturellement, on arrive avec les projets au fur et à mesure de l'histoire de Télécoop, quoi. Oui, non, mais en un an et des poussières, vous avez déjà pas mal bossé. Et au-delà de cette offre solidaire dont tu viens de nous parler, il me semble qu'il va aussi y avoir une offre d'Internet fixe l'année prochaine. Oui, tout à fait. On travaille sur une expérimentation là-dessus, parce que ça nous permettra d'être un opérateur télécom complet. Et aussi parce que consommer de l'Internet depuis chez soi, donc via une box plutôt qu'en données mobiles, en mobilité, c'est beaucoup plus sobre d'un point de vue énergétique. Donc vraiment, on se doit de proposer cette offre. Donc effectivement, on est en train de travailler sur ces sujets pour l'année prochaine. Ouais. Dernière question pour toi, Marion. Tu l'as dit, vous avez forcément une offre qui est liée à des considérations très techniques. On aurait pu, j'avoue que j'avais cette curiosité de savoir comment vous faites pour techniquement mettre à disposition le réseau. Est-ce que ça marche comme l'énergie avec un réseau qui est nationalisé, que vous pouvez louer, utiliser, je ne sais pas. Et malheureusement, on n'a pas non plus 8 heures devant nous, donc il a fallu faire des choix dans cette interview et on ne va pas pouvoir trop s'étendre sur ces considérations-là. Tu nous as dit aussi qu'il y avait un vrai tenant pédagogique par l'accompagnement des clients, par ce côté solidaire pour réduire la fracture numérique. Et au-delà de ça, j'ai l'impression aussi que vous êtes un porte-étendard qui témoigne beaucoup de son activité de création d'une coopérative, notamment dans le secteur du numérique, et que toi, tu es amené, ou que peut-être d'autres cofondateurs de Télécoop sont amenés à raconter à d'autres personnes qui ont envie de passer à ce modèle, de lancer leur initiative, pour aussi les inspirer, leur donner des raccourcis, des astuces, et faire en sorte qu'il y ait encore plus d'entrepreneurs qui se lancent dans cette voie-là, non ? Je me trompe ? Non, tu ne te trompes pas, tout à fait. On parle de plus en plus du modèle des coopératives. Il y a de plus en plus de SIC qui se lancent chaque année. Il y a quand même un mouvement de fond qui est juste très spectaculaire, parce que c'est autant d'entreprises qui sont montées pour l'intérêt collectif, hein, sur chacun de leurs secteurs d'activité. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Et oui, et nous, on essaie de contribuer aussi à notre niveau à ça, en parlant du modèle coopératif, en le démocratisant au grand public, pour que effectivement le plus grand nombre comprenne qu'en fait le mouvement des SIC, c'est aussi un mouvement profondément démocratique, hein, où chaque personne vote les résolutions de l'entreprise lors de l'assemblée générale sur le principe d'une personne est égale à une voix. Donc c'est très démocratique, on vote pas en fonction de son capital, et en plus on est concerté tout au long de l'année pour participer à la création des offres et des services de l'entreprise. Donc oui, on participe à ça. Et parce qu'on est fondamentalement convaincu qu'en fait, ce type d'entreprise-là va vraiment aussi nous aider à développer et à changer notre modèle d'entreprise, et puis surtout notre modèle de fonctionnement aussi au sein de la société, parce que c'est des entreprises qui sont dédiées à la transition écologique et sociale, notamment dans le cadre du mouvement des licornes. Ouais, donc c'est vraiment une question de fond, d'objectif, avec tout un tas de services, de produits qui sont mis en avant, mais il y a aussi cette question de la forme, hein, et qui passe par le modèle coopératif, qui va bien au-delà de simplement, entre guillemets, si je peux le dire comme ça, proposer un service ou un produit plus écologique, plus durable. Mais tout à fait, parce que en fait, nous, il nous semblait essentiel, pour parler de transition écologique et sociale, de faire en sorte que notre action, elle s'ancre dans le temps long, et qu'en fait, elle ne dépende pas d'une équipe, ou qu'elle dépende pas d'un dirigeant, en fait. Et la SIC, c'est une façon de s'assurer que, à la fois, on ait cette gouvernance démocratique, mais aussi que tout ce qu'on souhaite faire, on puisse l'inscrire dans nos statuts, qui soit justement vérifié et, on va dire, tenu dans le temps grâce notamment à cette gouvernance ultra-démocratique. Donc, en fait, c'est une façon de s'assurer que le projet initial porté par l'entreprise, bah, quoi qu'il se passe, notamment en termes de dirigeants, de ressources humaines, quoi, concrètement, eh bien, il puisse perdurer dans le temps. Et du coup, c'est aussi vraiment une façon de pouvoir assurer aux personnes qui nous rejoignent le fait que, ben voilà, Télécoop, ça va porter ce modèle-là d'entreprise le plus longtemps possible. Ouais, c'est vraiment passionnant, Marion. Merci mille fois pour cette présentation très détaillée qui, moi, du coup, me donne, et j'espère que c'est aussi le cas pour toutes les personnes qui nous écoutent, envie de creuser. En plus, vous avez un blog qui est très bien fait, où vous racontez la démarche derrière Télécoop, vos différents questionnements même. Et c'est vraiment passionnant. Donc, j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à aller creuser ça du côté de votre blog. Nous, on va bientôt partir en 2030 glorieuse, Marion, mais avant ça, avant de voyager vers les utopies réalistes, il y a toujours cette période où on marque une petite pause, une respiration pendant laquelle l'invité nous propose une lecture, une fenêtre même, à travers la littérature et dans tous ces romans qu'on a presque déjà lus, dont on a déjà entendu parler, et qui en fait aussi proposent, voilà, un aperçu de à quoi pourraient ressembler les 2030 glorieuses, et notamment les valeurs que toi tu veux vraiment y projeter. Quel est le roman avec lequel tu viens aujourd'hui, Marion ? Alors, j'ai choisi un roman de Romain Gary qui s'appelle Les Racines du Ciel, que vous connaissez probablement, mais qui, moi, porte pas mal l'idée que, eh bien, en fait, on peut vivre en harmonie entre les humains et la nature. Et c'est aussi ça qui me guide dans, finalement, mes actions quotidiennes. Thank you. Je dois vous dire aussi que j'ai contracté en captivité une dette envers les éléphants, dont j'essaye seulement de m'acquitter. C'est un camarade qui avait eu cette idée après quelques jours de cachot, 1m10 sur 1m50, alors qu'il sentait que les murs allaient l'étouffer. Il s'était mis à penser aux troupeaux d'éléphants en liberté. Et chaque matin, les Allemands le trouvaient en pleine forme, en train de rigoler. Il était devenu increvable. Quand il est sorti de cellule, il nous a passé le filon. Et chaque fois qu'on n'en pouvait plus dans notre cage, on se mettait à penser à ces géants fonçant irrésistiblement à travers les grands espaces ouverts de l'Afrique. Cela demandait un formidable effort d'imagination, mais c'était un effort qui nous maintenait vivants. Laissés seuls, à moitié crevés, on serrait les dents, on souriait, et les yeux fermés, on continuait à regarder nos éléphants qui balayaient tout sur leur passage, que rien ne pouvait retenir ou arrêter. On entendait presque la terre qui tremblait sous les pas de cette liberté prodigieuse, et le vent du large venait emplir nos poumons. Naturellement, les autorités du camp avaient fini par s'inquiéter, le moral de notre bloc était particulièrement élevé, et on mourait moins. Ils nous ont serré la vis. Je me souviens d'un copain, un nommé Fluche, un Parisien, qui était mon voisin de lit. Le soir, je le voyais, incapable de bouger, son pouls était tombé à 35. Mais de temps en temps, nos regards se rencontraient. J'apercevais au fond de ses yeux une lueur de gaieté à peine perceptible et je savais que les éléphants étaient encore là, qu'ils les voyaient à l'horizon. Les gardes se demandaient quel démon nous habitait. Et puis il y a eu parmi nous un mouchard qui leur a vendu la mèche. Vous pouvez vous imaginer ce que ça a donné. L'idée qu'il y avait encore en nous quelque chose qui ne pouvait pas atteindre, une fiction, un mythe, qu'il ne pouvait pas nous enlever et qui nous aidait à tenir, les mettait hors d'eux. Ils se sont mis à fignoler leurs égards. Un soir, Fluche s'est traîné jusqu'au bloc et j'ai dû l'aider à atteindre son coin. Il est resté là, un moment, allongé, les yeux grands ouverts, comme s'il cherchait à voir quelque chose, et puis il m'a dit que c'était fini. Il ne les voyait plus. Il ne croyait même plus que ça existait. On a fait tout ce qu'on a pu pour l'aider à tenir. Il fallait voir la bande de squelettes que nous étions l'entourant avec frénésie, brandissant le doigt vers un horizon imaginaire, lui décrivant ces géants qu'aucune oppression, aucune idéologie ne pouvait chasser de la terre. Mais le gars Fluche n'arrivait plus à croire aux splendeurs de la nature. Il n'arrivait plus à imaginer qu'une telle liberté existait encore dans le monde, que les hommes, fût-ce en Afrique, n'étaient encore capables de traiter la nature avec respect. Pourtant, il a fait un effort. Il a tourné vers moi sa sale gueule et il m'a cligné de l'œil. « Il m'en reste encore un », murmura-t-il. « Je l'ai bien planqué, bien au fond, mais je ne pourrai plus m'en occuper. J'ai plus ce qu'il faut, prends-le avec les tiens. » Il faisait un effort terrible pour parler, le gars Fluche, mais la petite lueur dans les yeux y était encore. « Prends-le avec les tiens, il s'appelle Rodolphe. » « C'est un nom à la con que je lui dis, j'en veux plus, occupe-t'en toi-même. » Mais il m'a regardé d'une façon. « Allez-vous, lui dis-je, je te le prends ton Rodolphe, mais quand il ira mieux, je te le rendrai. » Mais je tenais sa main dans la mienne, et j'ai tout de suite su que Rodolphe était avec moi pour toujours. Depuis, je le trimballe partout avec moi. Et voilà, mademoiselle, pourquoi je suis venue en Afrique. Voilà ce que je défends. Et quand il y a quelque part un salaud de chasseur qui tue un éléphant, j'ai une telle envie de lui loger une balle là où il aime bien ça, que je ne dors pas la nuit. Et voilà aussi pourquoi j'essaye d'obtenir des autorités une mesure bien modeste. Il ouvrit sa serviette, prit une feuille de papier et la déplia soigneusement sur le comptoir. J'ai une pétition qui demande l'abolition de la chasse à l'éléphant sous toutes ses formes, à compter par la plus ignoble, la chasse pour le trophée, pour le plaisir, comme on dit. C'est le premier pas, et ce n'est pas grand-chose. Ce n'est vraiment pas trop demandé. Et je serais heureux si vous pouviez signer là. Merci Marion pour cette lecture. Ça y est, on y est en 2030 glorieuse. On est dans cette république du vivant où l'humanité a repris sa place parmi le vivant, a arrêté de se croire supérieure à ce vivant qu'elle a malheureusement trop détruit et réduit en esclavage. Et on ne chasse plus les éléphants. On ne chasse d'ailleurs plus les autres animaux puisqu'on a compris à quel point ils étaient essentiels et à quel point prendre une vie était précieux. S'il y a encore des personnes qui mangent de la viande, notamment aujourd'hui, on a réussi à resacraliser le fait de prendre une vie Et le passage que tu nous as lu montre à quel point on a parcouru du chemin. On est en 2030 glorieuse pendant une vingtaine de minutes. On va pouvoir imaginer plein de choses, Marion. Mais personne ne nous en voudra si on rêve trop vite, trop fort. Donc, n'hésitons pas à libérer au maximum nos imaginaires et personne non plus ne nous tiendra à rigueur si en 2030, tout ce qu'on a imaginé, rêvé, ne s'est pas réellement produit. Toi, ça y est, tu es en 2030 glorieuse. Tu vas nous aider à voir à quoi elle ressemble, ces 2030 glorieuses, à quoi ressemble enfin cette société durable et solidaire, en la décrivant du mieux possible. Qu'est-ce que tu peux dire aux personnes qui sont avec nous? Qu'est-ce que tu vois, par exemple, par la fenêtre, quand tu regardes là? Moi, par la fenêtre, je vois des personnes qui sont installées à un café et qui échangent, qui discutent, qui parlent en fait du monde tel qu'ils le voient et qui échangent ensemble sur ce qu'on pourrait bien faire pour améliorer tout ça. Et juste à côté, je vois quelqu'un qui, tout simplement, en fait, ramène un produit qu'il a emprunté à un de ses amis. En l'occurrence, je crois que c'est une perceuse parce qu'il avait besoin de pouvoir faire des travaux chez lui. Et je vois quelqu'un d'autre qui passe la porte d'entrée d'un appartement, d'un logement, parce que en fait, tout simplement, il va récupérer une des portions d'un repas dont son voisin n'a finalement pas besoin. En fait, moi, ce que je vois, c'est un monde du partage où les choses sont mises en commun. Où on réfléchit plus seulement parce que on est propriétaire de quelque chose, mais plus parce que on a envie de le mettre au service de tous. Et moi, je vois du coup une société où on n'a plus besoin d'acheter, mais on peut simplement sonner pour l'emprunter quelque chose à son voisin. Voilà, moi, je pense à une société d'une mise en commun. Et du coup, en 2021, le numérique, c'était vraiment l'un des milieux dans lequel la propriété, la manipulation du système à travers une fausse gratuité était à son paroxysme. Et en 2030 glorieuse, le numérique, justement, a réussi à reprendre le pli des communs, notamment grâce à des initiatives comme Télécoop. Est-ce que tu peux me raconter à quoi ressemble ce numérique en commun ? Ce numérique en commun, en fait, il est déjà, il est transparent. C'est-à-dire que chacun sait, en se servant du numérique, les usages qui sont faits de ces données, est capable de comprendre et est capable de refuser, d'accepter, s'il le souhaite. C'est aussi un numérique en commun où on serait capable de garder nos appareils le plus longtemps possible, à se les prêter aussi les uns les autres, à être en capacité aussi de pouvoir, si on a besoin d'une pièce détachée, descendre dans le Repair Café du coin de la rue et qui nous permettra de nous aider à faire notre réparation. C'est aussi un numérique où des solutions libres et open source auront supplanté des grands acteurs qui sont plutôt sur une logique de lucrativité excessive. Là, on mettra en commun, de manière totalement universelle, des outils qui sont nécessaires à chacun d'entre nous pour communiquer, sans qu'il y ait un quelconque modèle économique, en tout cas, qui soit monté pour à nos dépens. C'est aussi un modèle où on peut passer le coin de la rue et rentrer dans un univers où on sera accompagné en fait dans ces démarches, et notamment dans ces démarches auprès du service public, où finalement le numérique est devenu omniprésent, a été omniprésent un temps et a commencé à reculer parce qu'on a préféré le contact humain pour régler les problématiques de chacun. C'est aussi un monde où on a décidé que le plus important, ce n'était pas l'automatisation à outrance, mais c'était le bien-être des salariés, c'est le bien-être de chacun d'entre nous et qui puisse vivre justement dans une situation où il peut avoir ce contact humain quand il en a besoin pour être aidé, mais aussi pour se développer et puis pour être employé dans des situations et des circonstances qui soient bien évidemment au service de chacun et qui soient respectueux de chacun, de son intégrité. Ce qui a beaucoup aidé, c'est en 2025 quand on a mis en place un permis numérique. Alors tout le monde a été amené à passer ce permis numérique, mais aujourd'hui il est surtout mis en avant dans les écoles, au collège, pour aider les plus jeunes aussi à saisir du numérique, à comprendre les dessous, les potentielle manipulation et la nécessité justement de pouvoir à la fois conjuguer numérique et sobriété, mais aussi numérique et transparence et numérique et propriété la moins privée possible. Mais ce permis-là, il a permis justement d'avoir une éducation au numérique qui était complètement inexistante sur un secteur dérégulé où il y avait pas mal d'acteurs qui avaient une position monopolistique et qui se permettaient d'abuser de cette position pour mettre des systèmes économiques qui étaient très très obscurs et puis qui créaient des vraies dépendances. Et le fait d'accompagner aujourd'hui les citoyens à une consommation raisonnée, raisonnable aussi, du numérique, ça a vraiment changé la donne. Ça a changé la donne parce que effectivement, ce qui a été mis en place a permis d'éduquer en fait tout simplement et à jouer le rôle aussi de ce qu'on a besoin en tant que citoyen, c'est d'être éclairé en fait sur les grandes dynamiques de notre monde. Et c'est des générations maintenant de collégiens, de lycéens qui sont au courant de tout ça et qui font des choix éclairés en utilisant le numérique et qui aussi privilégient plutôt des relations sociales, physiques, plutôt que la place du smartphone. Ils ont fait des choix parce qu'ils se sont finalement rendus compte, grâce à toutes ces formations, que c'était probablement des choses à privilégier dans leur quotidien. Bon, sur les réseaux sociaux, on est même revenu à des sortes de forfaits d'un nombre d'heures fixes par semaine en fonction de l'âge, si bien qu'aujourd'hui, la majorité des gens ne vont plus sur les réseaux sociaux le week-end, par exemple, parce qu'on n'a plus, le temps d'être sur les réseaux sociaux et ça nous permet de effectivement vivre la vie dans la vraie vie. Ça, c'est un sacré changement. Il y a de plus en plus de coopératives qui se sont lancées sur le marché forcément des télécoms, mais aussi du numérique. Est-ce que tu peux me raconter à quoi ça ressemble à ce niveau-là? Comment les coopératives, elles ont réussi à remettre de l'humanité dans le numérique? Les coopératives, elles ont joué un rôle assez central parce qu'elles ont défendu un modèle qui est à la fois un modèle très démocratique, qui a permis à chacun du coup de s'intéresser à ce que c'est que le numérique pour tous, au service de l'intérêt collectif. Elles ont joué aussi un rôle fondamental par rapport à la raison d'être même du secteur des télécoms. Elles ont contrebalancé cet avis qui était que la technologie à tout prix allait finalement nous sauver. Elles ont plutôt dit que c'était le collectif, c'était les liens et les relations entre les personnes qui allaient pouvoir proposer et qui proposent aujourd'hui un contre-modèle de société. Et ce sont autant de coopératives qui sont en fait présentes finalement dans tous les secteurs du numérique aujourd'hui et qui sont en fait en capacité de montrer que finalement on est capable d'avoir une coopérative sur tous les sujets au sein du numérique, à la fois sur les questions de réparation, sur les questions de sensibilisation, sur les questions d'encadrement, sur les questions de développement aussi des outils numériques. Enfin voilà, l'économie coopérative a démontré qu'on pouvait faire du numérique au service de l'intérêt collectif sur toutes ses composantes. Et c'est ça qui est fou, c'est que dans ce secteur qui paraissait très impalpable parce que mondialisé, parce que avec souvent des machines, des installations qui sont installées à l'autre bout du monde, les coopératives ont réussi à territorialiser le numérique en ayant ces lieux partout en France où on peut venir apprendre à utiliser ces outils numériques. On peut aussi venir les réparer, les entretenir, mais aussi on peut venir donner son opinion. Et d'ailleurs, je ne me rappelle plus exactement de la date, mais Télécoop a fait partie des initiatives motrices au moment où on parlait de lancer la 6G. Et donc, on a pu, grâce à ce modèle coopératif, à des citoyens qui étaient habitués dans le fait de donner leur opinion, organiser cette fois-ci un véritable référendum, ce qui fait que la 6G, elle n'est pas passée. Hein. Oui, et c'est vrai que ça a été... Ça a été un grand moment de pouvoir démontrer que, que chaque citoyen, à partir du moment où il est bien informé sur les enjeux concrets qui se cachent derrière des technologies ou derrière des choix technologiques, quand on est bien informé, on est capable de donner son avis, quel que soit son niveau de compétence, quel que soit aussi son niveau social. Et c'est ça qui est assez génial dans l'expérience qu'on a fait dans ce cadre, c'est de démontrer qu'en effet, les citoyens peuvent être partie prenante de tous ces choix technologiques. Et c'est aussi le cas parce que la coopérative, elle a su rassembler aussi des partenaires autour de ça, puisque les coopératives, dans ce changement-là, elles ne l'ont pas fait toutes seules. Elles l'ont aussi fait parce que, au sein de leur gouvernance, c'était possible de pouvoir accueillir, de par leur statut même, tout un tas d'acteurs, d'associations, d'autres entreprises, de coopératives qui souhaitaient aussi pouvoir mettre leur énergie à ce service-là. Ouais, c'est fou comme ce modèle coopératif, c'est vraiment un incubateur de ces manières de bien vivre ensemble. Je pense à votre expérimentation qui a été aujourd'hui validée dans tout un tas d'autres secteurs de notre société, mais je sais que à l'époque déjà en 2021 vous disiez que vous étiez une coopérative de télécom durable et solidaire, et donc en 2023 quand vous avez proposé à vos abonnés de payer plus cher les consommations quand elles étaient assez élevées pour pouvoir permettre d'assurer un besoin de base, puisqu'en fait la communication, vous vouliez vraiment faire en sorte qu'on comprenne que c'était un besoin vital et que du coup on puisse accéder à une offre à très très bas prix grâce à ces personnes qui elles consommaient plus et qui acceptaient de payer plus. On se retrouve aujourd'hui avec une offre Télécoop de 1 euro pour effectivement les besoins de base, c'est-à-dire envoyer des messages, utiliser un tout petit peu internet et téléphoner, qui est possible grâce à ces personnes qui payent beaucoup plus pour une consommation plus gourmande. Et ça, derrière, ça a transpiré dans toute la société sur l'eau, sur l'électricité, sur plein d'autres choses, avec un modèle qui, moi, me semble hyper enthousiasmant. Tout à fait. En fait, cette dynamique, au début, on n'y croyait pas trop parce que c'est quelque chose qui n'avait pas été encore fait. Et en fait, on s'est rendu compte que on le faisait déjà tous à notre niveau, mais de manière un peu plus inconsciente. C'est un peu ce qu'on a appelé le pot commun, quoi. C'est-à-dire, on rassemble quelque part des personnes, les gens qui ont les moyens cotisent davantage pour celles qui en ont pas, et permet finalement à ce que tout le monde arrive au même niveau d'accessibilité. Et en fait, moi j'adore cette notion du pot commun, quelque part, c'est de dire qu'on cherche à mettre encore une fois en commun des moyens pour rendre accessible au plus grand nombre ces technologies-là. Mais aussi, ce qu'on a rajouté à ça, c'est cette notion de réflexion autour de ce qui était soutenable, ce qui était résilient en fait pour les services télécoms tels qu'ils existent et le numérique de manière générale, puisque on a dû aussi commencer à réfléchir, à rationaliser les usages de manière plus globale, parce qu'on sait que pour le coup, dans très peu de temps, il y aura des tensions sur un certain nombre de matières premières et autres qui pourraient rendre l'usage du numérique compliqué parce qu'on n'a probablement pas fait les choix qu'il fallait il y a quelques décennies en arrière. Mais cette dynamique en fait, du pot commun fait aussi qu'on peut faire ces choix-là plus facilement et plus simplement parce que on est tous partie prenante de cette réflexion et de cette mécanique pour définir et réfléchir à ce qui peut être acceptable pour chacun. Toi, Marion, tu fais quoi en 2030 Glorieuse ? En 2030 Glorieuse, j'espère que je travaillerai probablement toujours chez Télécoop parce que j'ai cette envie-là d'être sur un vrai projet de long terme, de pouvoir mener des choses sur le long terme. Et à titre personnel, je pense que j'aurais probablement aussi quitté Paris pour expérimenter un autre modèle de vie, aussi de mise en commun dans ma vie quotidienne. Parce que l'histoire qu'on se racontait sur 2030 Glorieuse, j'ai aussi envie de l'expérimenter à mon petit niveau. Donc j'espère avoir fait ces choix-là d'ici là. De retour en 2021 avec des étoiles plein les yeux, là, d'imaginer ces 2030 Glorieuses en commun, parmi le vivant. Ça me donne, moi, beaucoup d'enthousiasme et ça me donne envie d'y être, en fait, même, pour tout te dire. Et d'une certaine manière, j'y suis déjà parce que la mise en commun, c'est quelque chose que j'ai intégré dans pas mal de facettes de ma vie et qui, quand on ose regarder notre relation aux objets différemment, de prendre un peu de recul par rapport à ça, on constate qu'il y a déjà tout un tas d'initiatives qui nous permettent de réparer son vélo, de construire une étagère, de partir en vacances... avec des objets qu'on arrête d'acheter mais qu'on prêterait, louerait, etc., etc. Toi, tu recommanderais quoi, Marion, aux personnes qui nous ont écoutés et qui se sont dit « Bah oui, bien sûr, j'ai envie d'y être. Allez, qu'est-ce qu'on attend ?» pour qu'on puisse les concrétiser le plus rapidement possible, ces 2030 Glorieuses. Qu'est-ce qu'on fait là tout de suite ? Ce qu'on fait là tout de suite, c'est que je pense que... Ce qui est fondamental, à mon avis, c'est de faire un peu le bilan de là où on en est chacun dans sa consommation en tant que telle et pour pouvoir bien flécher en fait, le maximum de son budget, de son argent vers... Mais très concrètement, Marion, ça veut dire quoi ? Parce qu'on fait un bilan. Est-ce qu'on fait un bilan carbone grâce à la plateforme Nos Gestes Climat ? Comment on le fait, ce bilan ? Alors oui, c'est une possibilité, mais je crois que pour moi, le truc principal, c'est que son argent serve à des choses qui soient justes. Et moi, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert un compte à la NEF et j'y ai mis mon épargne parce que je sais que dans les notions de transition écologique et sociale, ce qui fera le plus de poids, ce qui aura le plus de poids, c'est la façon dont on utilise notre argent. Et donc, du coup, c'est ce choix-là que j'ai fait en premier. Ouais, la NEF invite même les gens qui le peuvent à devenir sociétaires et à prendre des parts pour avoir encore plus d'impact. Donc c'est génial que tu passes ce message-là. J'en profite aussi pour partager l'initiative de Jeff et Romain, des écolo-humanistes qui sont à Lyon et qui eux invitaient à calculer son RIB, son revenu induit par ses besoins. Et donc plutôt que se dire bah tiens, j'ai tant d'argent, je vais pouvoir faire ça, l'idée c'était plutôt de dire bah qu'est-ce qui me rend heureux, quels sont mes besoins, mes envies, et finalement si j'essaie d'avoir cette vie sobre et épanouissante, de combien d'argent j'ai vraiment vraiment besoin. Et donc en conséquence, de se dire que peut-être on n'a plus besoin de ce boulot dans lequel on s'épanouit pas, ou peut-être qu'on peut commencer par passer au 4/5e et puis au 3/5e, à mi-temps, je sais pas, et de changer un peu sa relation et à l'argent et au travail. Oui, ça m'inspire beaucoup ce que tu dis parce que, à titre personnel, j'ai fait ce cheminement-là. Pour rejoindre l'économie sociale et solidaire, j'ai rejoint un programme qui s'appelle le programme Associé on Purpose. Et le but justement de ce programme, c'était à la fois d'être à l'aise avec ce que c'était que l'économie sociale et solidaire, de se faire une expérience. Mais à mon niveau, c'était aussi de comprendre ce dont j'avais vraiment besoin, de quel argent j'avais besoin pour vivre. Parce que ça m'a re-questionné aussi sur ces enjeux-là. Mais c'était essentiel, en fait, pour aussi finalement se défaire de cette impression qu'on doit posséder, qu'on doit acheter. Ben souvent, quand on revient à l'essentiel et quand on revient à vraiment ce dont on a besoin, et ça passe aussi par cette question de l'argent qu'on gagne, on remet beaucoup plus facilement en cause ce modèle-là parce que, en fait, on s'en donne les moyens, tout simplement. Merci Marion. Eh ben, merci Julien. Et voilà, cet épisode avec Marion Greffly vient de se terminer. très content d'avoir eu l'opportunité d'utiliser l'excuse presque du numérique pour aborder la question des communs et le modèle coopératif qui va avec dans le témoignage de l'expérience de Marion, de son cheminement, mais aussi derrière de sa prise de position forte et assumée hein, sur le modèle coopératif avec tout ce que ça veut dire aussi et notamment son intervention sur la nécessité de remettre du temps long, de reterritorialiser ses initiatives, de donner une vraie voix aux consommateurs clients qui deviennent en fait des parties prenantes à part entière. Ça me fait du bien et ça m'enthousiasme et ça me donne à voir des 2030 glorieuses où le modèle économique serait radicalement différent. Je continue à prendre énormément de plaisir à voyager en 2030 glorieuse. C'est quelque chose que je vais continuer à faire toute l'année qui vient et c'est vraiment là où je veux mettre l'accent. Vous allez retrouver forcément des nouvelles du guide des conversations utopiques que vous avez peut-être déjà eu entre les mains ou dont vous avez entendu parler à minima. Et puis aussi, et je me permettais de le signaler, il y a aussi ce livre des 2030 glorieuses qui sort chez Actes Sud le 19 janvier 2022, là c'est ça y est, on y est, et qui donne à voir ma vision des 2030 glorieuses en compilant pas mal d'expériences de ces personnes que j'ai eu la chance de rencontrer, avec lesquelles j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger. Voilà, j'espère que ça sera un outil supplémentaire pour pouvoir vous aider à travailler sur les imaginaires et à les diffuser largement autour de vous. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode des 2030 glorieuses. Salut. Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 glorieuse avec nous. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus et abonnez-vous à ce podcast pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Moi je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes et je vous donne rendez-vous sur sacommenceparmoi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut !